aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et comme à chaque fin de mois, je suis avec Victor. Bonjour Victor, comment tu vas bien? Salut Jade, ça farte bien. Ça farte, mon dieu, tu es très nostalgique. Voilà. Tu es nostalgique de l'été parce qu'on est maintenant en automne et il pleut dehors et c'est tout gris et tu es un peu triste. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, on a ouvert la salle juste pour discuter de tout ce qui s'est passé dans le mois, dans le monde merveilleux ou pas du cinéma, de la pop culture. Et aujourd'hui, on rattrape le mois de septembre. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose en septembre. Enfin, si, une chose énorme qui arrive à la fin du mois dont on va parler. Après, attention, préparez-vous. Mais sinon, quelques infos, quelques rumeurs, quelques petites bandes annonces. Première petite info, apparemment, la boîte de prod de Margot Robbie, dont j'ai pas noté le nom parce que j'ai fait très mal mon travail, serait en train de prévoir une adaptation de Tank Girl, donc la BD Tank Girl, je ne sais pas si tu connais. Si, j'ai lu par le mec qui a dessiné les personnages de Gorillaz aussi. Oui. Et c'est très fun à lire, j'aime beaucoup. J'ai jamais lu, j'ai vu le film, la première adaptation, il y a longtemps, donc j'ai zéro souvenir. Mais s'il y a Margot Robbie associée, bah, ça peut être que bien, donc curieuse. Autre news au débeauté comme ça, Charlize Theron, Fast and Furious, elle est back dans les bacs pour Fast 9 avec un nouveau petit style pas piqué des hannetons, on vous mettra la photo sur Twitter, avec une magnifique coupe de cheveux, oui. Et non seulement Charlize Theron is back, mais... Dwayne Johnson sera certainement toujours de retour. Dans nos cœurs, notre papa. Hobbs s'est réconcilié avec Dominic Toretto, l'alias Vin Diesel, et ils seront de retour. Elle va pas faire de plis, Charlize Theron, si tu vois ce que je veux dire, même avec sa nouvelle mise en plis, qui est magnifique. j'essaye des trucs, c'est septembre, il fait gris, je suis fatiguée, j'essaye des vannes, ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, on vous mettra la photo de sa nouvelle coiffure, qui moi je trouve trop stylée, j'ai trop hâte de Fast 9. On vous mettra cette photo sur Twitter. Autre news, c'est une news qu'on va vous balancer maintenant, que vous allez oublier, parce qu'elle va pas ressortir jusque... dans 20 ans, donc jusque 2039, parce que Richard Linklater, qui avait fait Boyhood, c'est ça, il avait fait Boyhood, qui avait été tourné sur une dizaine d'années, un truc du genre, pas ouf, selon moi, le concept intéressant, film pas ouf, va refaire un peu la même chose, où cette fois, il fait un projet qui va se dérouler, qui va être tourné sur 20 ans, donc... Calmos Richard quand même un petit peu là, c'est quoi la prochaine étape, dans lequel, donc il est une adaptation d'un livre de Stephen Sondheim, je sais pas si tu connais, si vous connaissez, moi je connais pas du tout, et dans lequel vont être les meilleurs amis du monde, Bini Feldstein et Ben Platt, que j'aime de tout mon cœur et qui s'aiment eux-mêmes de tout leur cœur, et donc j'ai très hâte, j'ai moyen hâte de voir le film, et je les aime beaucoup eux, donc... On verra dans 20 ans si je m'en souviens encore. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'avais bien aimé Boyhood? Bah, j'adore Boyhood, c'est un des plus beaux films de cette décennie. Alors, je te vois tirer la langue, donc fais pas ta rageuse. Je fais pas ma rageuse. Mais... Je suis juste pas d'accord avec toi, c'est tout, j'ai le droit. On peut plus rien dire. Mais c'est un très beau film, il a manié le concept, je trouve, à la perfection, et... C'est très avec enthousiasme, surtout que ce sera une comédie musicale en Ouais, ça plus. c'est. Du coup, ça Donc, m'intrigue. je suis très intrigué de ce nouveau D'autant projet. plus que bah, Rémy Et. Plat et Ebony Feldstein dans une comédie musicale, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est Et le la chose de notre vie. fera-t-il vraiment? Est-ce que le projet parviendra à son bout? C'est Parce ça. qu'il a quand même 60 balais, Ah ouais, bah ouais, du coup, je viens Richard de pas penser à Linklater. ça. Donc. Oh, c'est un. Ouais, c'est un bon but à se mettre Voilà. dans la vie, quoi. Bah, bon courage, Richard, et on verra si en 2039 on sera toujours là, peut-être, je sais pas. Et si on vous dira peut-être ce qu'on a pensé de ce film, je Si sais les pas. salles seront, si les salles seront encore accessibles ou Si pas. la salle 5 sera toujours ouverte, on sait pas non plus. Autre annonce de casting, Catherine Newton est. Qui est dans Détective Pikachu, Big Little Lies et la grande, l'unique The Society sur Netflix. Et Vince Vaughn vont jouer dans un film d'horreur Body Swap à la Freaky Friday style réalisé par le fils de Charles Ingalls, Christopher Christopher London. London, Charles London, C'est son père, c'est c'est ton Charles papa. Ingalls. Qui a réalisé Happy Happy Birthday, birthday. Happy Death Day dans sa version originale, avec un pitch. Trop bien, Victor, je te laisse nous l'énoncer. Et bah, c'est tout simplement un serial killer qui sera certainement joué par Vince Vaughn et une adolescente Joué par Catherine Newton, jouée du par coup. Catherine Newton. Bah, ils vont tout simplement échanger de corps. Et donc, rien Putain. que ce concept, moi, voir une ado, l'esprit d'une ado dans le corps buriné, De Vince monotone Vaughn. et tout de Vince Vaughn, mais moi, j'attends Moi, de j'ai trop voir hâte de que voir ça. Vince Vaughn jouer une ado, quoi. Ça va Voilà. être trop marrant. Et le truc aussi, la subtilité, enfin, si on peut parler de subtilité, c'est que du coup, la fille, elle se rend compte qu'elle a moins de 24 heures pour. Enfin, que dans 24 heures, et ben, ça deviendra permanent. Du coup, elle doit tout faire pour. Ça Enfin, fait un les deux doivent tout peu. faire. Ça fait un peu le pitch. Il y avait un court-métrage Je pensais que de. t'allais dire, il y a un épisode des Simpsons, j'allais dire. C'est parti, on y Alors, est. pas les Simpsons, non. Ça se trouve. Sûrement, très Très certainement. certainement, il y en a un, mais Et je ne l'ai après, les pas en gens sur Twitter, tête. ils vont sortir une photo en disant « Les Simpsons l'avaient Mais prédit !» il y avait un court-métrage Mickey. Voilà. Oula, t'es parti Que très très j'avais loin. vu quand Avec un j'étais. serial killer? Alors. Plus ou moins. Oula. Ou en fait, je l'avais vu au ciné avant Lilo et Stitch, je m'en souviens très bien. Et en fait, c'est Mickey qui fait une espèce d'expérience où il y a un savant fou qui échange le cerveau de Mickey, l'esprit de Mickey, Ouais. avec celui de Pat, enfin le Pat Buller qui est Ouais, méchant et tout. un peu ouais, Et donc, du coup, style la mouche quoi. t'as un Mickey qui est genre enragé, qui fait trop peur pendant le reste de l'épisode, et t'as un Patty Bullard géant. Et qui Qui est est tout tout gentil, gentil ouais. avec la voix de Mickey qui fait Salut Minnie, Tu comment ça va? le fais très bien. Merci. Mickey était parmi nous là, j'ai cru. On a enregistré à Disney en fait, c'est pour C'est ça. ça, ouais. J'aimerais tellement Disney si vous nous écoutez, hein, voilà. Pour tout le lobbying qu'on fait sur Marvel, enfin qui est fait sur C'est clair, Marvel d'ailleurs, par Jade, voilà. tenez-vous prêts, on va en reparler, on va parler de vous dans très bientôt. Ouais, donc j'ai très hâte de voir ce film, alors j'ai juste vu l'annonce de ce casting, je sais absolument pas quand est-ce que ça Ouais, sort, l'année quand est-ce qu'il y prochaine. tourne, on verra dans des prochains rattrapages, on vous en reparlera. Deux petits trucs très vite fait, on en a parlé le mois dernier du réel de l'adaptation de Uncharted qui était partie du projet, et bah du coup ils ont trouvé un autre en la personne de Travis Knight qui avait réalisé Bumblebee, il me semble. Bumble, très chouette Bumblebee. Ouais, très très chouette, que j'avais beaucoup aimé, qu'on avait beaucoup aimé, et ben du coup ce sera lui à la réal de Uncharted avec. Alors attention, hein, retenez bien les indices. Travis Knight, Bumblebee, Uncharted, Tom Holland. Prochaine info! Rumeur pour jouer Kate Bishop dans la série Disney+ de Hawkeye, parce qu'on vous rappelle que cette série sera adaptée du run de Matt Fraction de Hawkeye, dans lequel apparaît Kate Bishop, une autre Hawkeye que Clint Barton, qui va potentiellement être jouée par Hailee Steinfeld, qui avait joué l'héroïne de Bumblebee. Jusque-là, vous Ah, suivez? Attention j'ai maintenant, arrêté. Marvel Tom Holland, on y arrive. Alerte, alerte Spider-Man. Je mettrai certainement la musique de Venga Boys parce que je suis trop contente. Sony et Disney sont parvenus à un nouvel arrangement qui fait qu'il y aura bien un troisième film Spider-Man dans le MCU. Et là, je mettrai des applaudissements parce que je suis trop contente. Waouh, ouais, bravo! Bravo! Enfin, bravo, je sais pas, bravo, mais c'est des questions d'argent, tout ça. Mais c'est trop cool. Et apparemment, il y aurait aussi dans cet arrangement une. Dans cet arrangement, apparemment, il y aurait aussi, en plus du film, une apparition de Spider-Man dans un autre film du MCU. Donc en gros, on va le revoir encore deux fois au cinéma, dans le Marvel Cinematic Universe. Et j'ai trop hâte, parce que en plus, Tom Holland, le gars, il a son projet Uncharted qui repart, il a le MCU qui repart, mais sachant qu'après le MCU, et ben, il continuera à être Spider-Man chez Sony, donc le mec, il a du taf jusque 2039. Ouais. Victor a l'air emballé. Et pour continuer vite fait sur ce truc, sans spoiler, mais bon, enfin, voilà, si vous avez toujours pas vu Spider-Man Far From Home, allez le voir. Hein. Mais il se passe un truc à la fin dans la scène post-générique de ce film qui fait qu'il y aura certainement des bails d'avocats et des bails légaux dans le troisième film, très certainement. Et du coup, des gens commencent à spéculer que ce sera peut-être dans ce film que sera introduite She-Hulk, parce que je vous le rappelle, c'est une avocate à la base. Et donc, du coup, des gens ont commencé à théoriser que sa première apparition pourrait être dans le troisième film Spider-Man. Donc ça reste à voir. Et moi j'ai très hâte et je suis... She-Hulk qu'on peut entendre parler dans quelle émission ? Dans une nouvelle émission que j'ai découvert comme ça par hasard qui s'appelle Codex, au féminin et au pluriel. Et dont le premier épisode parle de She-Hulk. Donc c'est deux personnes... très talentueux, voilà, très sympa. Si tu le dis. Qui, donc une des deux présente le personnage de She-Hulk à l'autre. Et l'autre, elle dit ce qu'elle en pense. Voilà. Donc fin de l'alerte Spider-Man, Marvel, MCU, Disney, si vous nous écoutez, je vous aime énormément juste pour ça. J'ai très hâte, du coup 2021, pour ce troisième film. Et voilà, ce sera tout. Est-ce que t'as quelque chose à annoncer, une bande-annonce peut-être qui t'a marqué ce mois-ci ? Il y en a qu'une seule, parce que waouh, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé là, en termes de bande-annonce et de sortie ce mois-ci. C'est la rentrée, ça redémarre tout doucement. C'est la bande-annonce de Uncut Gems, dont j'ai déjà le seum parce qu'on ne la verra pas au cinéma, on le verra via Netflix. Ah ouais, c'est sûr certain. C'est sûr et certain. Il n'y aura pas un petit retournement de situation possible. Malheureusement, non. J'aurais aimé que les distributeurs de Good Time le reprennent, mais non. Mais j'avoue que c'est un peu un projet un peu niche, entre guillemets, parce que même j'ai vu l'abondance et tout, et je sais toujours pas de quoi ça parle. Apparemment, c'est dans la continuité de Good Time, enfin dans le même univers, je sais pas, j'ai rien compris. Ouais, c'est un peu pareil que Good Time, sauf que c'est avec un diamantier, ouais, ça se dit. Hein. Un mec qui travaille dans le diamant. Voilà. Voilà. Un vendeur de diamants joué par Adam Sandler, donc déjà voilà, ça vend rêve et qu'il arrive des trucs. Pas très légaux, pas net. Voilà. Et ça a l'air chamé, une ambiance très nocturne, très nerveuse. Comme Good Time quoi. Comme Good Time et voilà, j'ai très hâte. Regardez les autres films des frères Safdie. Surtout Good Time. J'ai vu que Good Time, il me semble, il est exceptionnel. Mad Love in New York, c'est très chouette. The Pleasure of Being Robbed, il est peut-être moins connu, mais c'est très cool aussi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les bandes annonces. Eh ben, allez voir la bande annonce de Uncut Gems si vous aimez Adam Sandler, ou si vous aimez les frères Safdie, ou si vous aimez Hello Kitty, j'en sais rien. Vous comprendrez. Vous allez voir la bande-annonce. Les Furby plutôt, tu veux dire. Non, il y a un truc Hello Kitty dedans. Non, Furby, oui, Furby, t'as raison. Il y a un truc, il y a un gros Furby, voilà. Autant pour moi. J'ai un trauma des Furby, donc je sais de quoi je parle. Moi aussi, c'est effrayant. D'ailleurs... Tapez la vidéo sur Google, autopsie d'un Furby, c'est horrible. Arrête, tu vas traumatiser des gens. Si vous êtes traumatisés par les Furby à cause de Victor, ne nous envoyez pas de réclamation, s'il vous plaît, on pourra payer personne. Sauf si Disney nous contacte. Bon, du coup, c'était tout pour les infos de ce mois-ci, je pense. Il s'est pas passé grand-chose, mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans les salles de cinéma cette fois-ci ? Et ben, on va en parler tout de suite. C'est la solution de tous nos problèmes. James, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Enfin, dans les salles de cinéma, je sais pas, peut-être que tes recommandations... Je te laisse, je vais chez l'orthophoniste tout de suite, je reviens. Peut-être que tes recommandations ne sont pas ciné, moi je sais qu'elles ne le sont pas. Quelles sont tes recommandations ? Il y en a deux ciné et une musicale, donc on pourrait sortir les esgourdes, comme on dit. Alors, d'abord, musicalement, c'est le dernier album de M83. Je l'ai pas encore dont écouté. le nom m'échappe malheureusement, donc ça prouve à quel point je l'ai aimé. Mais non, mais tapez sur Google dernier M83. album d'M83 et vous allez voir que c'est une Balade. sublime balade, un voyage un peu mystérieux, Comme ouais. fantastique, avec des petites fulgurances. On a l'impression d'échouer sur des îles paradisiaques envoûtantes. C'est beau. C'est très très beau à C'est beau écouter quand et t'en parles. c'est voilà. Et je vais tout de suite balancer Vas-y. mes deux recommandations cinéma. Alors c'est Ad Astra de James Gray, Oui, Brad dans l'espace. Brad Pitt dans l'espace, donc Brad Astra. Brad Astra, Voilà. exact. Tu me l'as volé. Je l'avais sur le bout de Ah. les lèvres et tu me l'as pris comme ça. Et que dire que c'est un des plus beaux films de science-fiction ces dernières années. Putain, mais vous me le survendez tellement, j'ai toujours pas vu. C'est Brad Pitt qui a des daddy issues, qui déprime dans l'espace. Donc c'est très froid comme film. Ça reste vraiment dans les thèmes des films de James Gray, qui va prendre les genres de films pour les rendre de manière très froide. Et c'est vraiment des trucs sur la solitude, quoi. C'est Brad Pitt seul dans l'espace, hein, le film. Donc voilà. Et il va tenter de traverser l'espace, tout l'espace, Mars, la Lune, tout ça, pour retrouver son papa, joué Pourquoi son par père il Tommy Lee serait Jones. sur Mars? Parce que son père était un astronaute Ah, il est jamais qui est revenu. jamais revenu et qu'on soupçonne. C'est un peu la vanne de papa, il est parti chercher des clopes et il est jamais revenu, mais dans l'espace en fait. Voilà, un peu ça, voilà. On pense à toi, père de Nelson, Ouais, c'est la ça, c'est Simpson. exactement ça à quoi je pensais. Eh ben, elle est là, la Rev Simpson, on l'a eu. Et donc voilà, c'est sublime. Et dans peut-être moins sublime, mais tout aussi, c'est une curiosité cette fois, très imparfaite, qui a quelques défauts, mais qu'il faut aller voir, qui est Bakuro de Kleber Mendonça Filho et de, si je n'écorche pas son nom, Juliano Dornelles, Film brésilien, c'est un ça? film brésilien. Qui était à Cannes, non? Qui était à Cannes, qui a eu le prix du jury, Oh. qui a eu le projet co-exéco avec Les Misérables, Ah oui, alors ce film totalement oublié. qui est pas sorti en fait. Oui, non, mais j'avais totalement oublié qu'il Ah, existait, quoi. ok, Enfin, autant qu'il pour allait moi. exister. Donc c'est bien ça, Juliano Dornelles. Et c'est dans un film qui se passe dans un futur proche, qu'on annonce avec un carton dans quelques années, et qui montre une vision dystopique, mais du Brésil. Donc, on suit un village très marginal de laissé pour compte. Donc, il y a l'un des figures, c'est un criminel, par exemple. Ouais. Mais c'est des gens qui sont laissés pour compte par le gouvernement, un gouvernement corrompu. Un peu comme Un peu aujourd'hui. comme aujourd'hui, hein, ça fait réfléchir. Il va Oh punaise, j'aime pas. soudainement, il y a des choses étranges qui se passent dans ce village, des touristes occidentaux se ramène au Brésil pour aller tuer les gens de ce village, et ce village va encore plus. On va montrer son union, l'union fait la force, comme on dit, pour résister à Ça a l'air ces. bien. Et Je savais pas du tout que ça parlait de ça. ce qui est très cool, c'est que ça aurait pu avoir l'écueil du film social un peu chiant et grisant qu'on récompenserait à Cannes, sauf qu'en fait. Le film, il assume ses références et son langage visuel. Il applique vraiment un langage visuel universel pour tout public, qui est celui des films de John Carpenter, qui est celui de Star Ah Wars. ouais. On trouve les mêmes Putain. transitions Mais verticales, sérieux? Mais pourtant, latérales et quand tu tout. vois l'affiche, t'as l'impression que c'est un truc chiant comme la mort. Et Mais bah en fait, ça alors, a l'air trop bien. c'est très très fun, Ah c'est ouais? très chouette à regarder. Esthétiquement, c'est sublime, tu t'en prends plein les yeux. Oh, j'ai trop envie de le voir maintenant. Et c'est vraiment très bien. C'est très imparfait. T'as un peu du mal à avoir une finalité, si ce n'est qu'un simple cri de colère, en fait, pendant 2 heures. Au bout de 2h12, tu comprends le message et tu dis, ouais, ok, à part ça, quoi d'autre? Mais c'est vraiment très sympa à regarder. On retrouve Sonia Braga, qui est une actrice ultra connue au Brésil et qui a joué dans le précédent film d'un des deux réalisateurs, dans Aquarius. Il y a aussi Udo Oui, Kier. Aquarius, oui. Quoi? Aquarius, je m'en souviens. C'était cool ce film. J'ai pas vu. C'était trop bien. Enfin, trop bien, peut-être pas, mais dans mon souvenir, il était bien. Il y a Udo Kier, qui est genre une gueule du cinéma, de série B, série Z, qui a fait plein de rôles de méchants, de tordus. Il double un méchant dans le dessin animé Scooby-Doo, par exemple. Et il est dedans aussi, en c'est parfait un acteur salopard. Brésilien ou non, c'est américain? Un acteur allemand, je crois. Ah ouais, il n'y a rien à voir. Mais qui joue en anglais, principalement. Et il a joué chez Lars von Trier. Il est chez... en portugais, le film, ou il est en anglais? Bah en fait, il est surtout en portugais. Il y a des passages avec les touristes occidentaux qui sont en anglais. Ouais, je me doute. Mais non, ça parle, c'est du portugais. Nice. Et c'est très sympa. Et toi? Alors moi, mes recommandations vont être un peu moins déprimantes, un peu moins dans l'espace et un peu moins cinéma, un peu moins au Brésil aussi. Ma première recommandation, c'est une série, c'est la saison 14 d'une série plus précisément. Donc si vous avez jamais vu, soit vous avez le courage de regarder les 13 saisons précédentes, soit vous en foutez, c'est It's Always Sunny in Philadelphia, qui est pour moi la chose la plus drôle du monde. C'est la seule... enfin. Une des seules séries comiques, parce que c'est pas une sitcom, mais de comédie, qui me fait vraiment rire. Enfin, une série américaine drôle qui me fait rire, parce que sinon je déteste les sitcoms, mais je voue une profonde haine envers ce genre, entre guillemets. Et c'est juste, c'est trop drôle, et ça a repris la semaine dernière, si vous écoutez cet épisode, enfin cette émission, le jour de sa sortie, ça a repris... il y a exactement une semaine, et rien que le premier épisode, c'est chaque épisode de cette série, c'est du génie d'écriture, c'est super drôle, les acteurs ils sont exceptionnels, et il y a toujours un fond de, pas de critique, mais de d'ouverture à un débat sur un sujet. Genre là, le premier épisode de la saison 14, ça parlait des rom-coms. Mais sans en parler, en fait, à chaque fois, là, t'avais, pour pitcher vite fait, bon, pour pitcher déjà la série vite fait, parce que si vous connaissez pas du tout 14 saisons, voilà, c'est 5, enfin, 4 potes et un autre gars qui est pas, enfin, qui devient leur ami, mais en gros, c'est le père de deux de ces personnes. Joué par Danny DeVito. Joué par Danny DeVito, c'est très important de préciser ça, qui tiennent à un bar à Philadelphie, et en fait, c'est... tous des connards, ils sont tous plus ou moins alcooliques, ils ont tous plus ou moins des problèmes, enfin ils sont pas très fréquentables quoi, mais en fait ils sont quand même attachants d'une certaine façon, et enfin, je sais, c'est vrai, je sais vraiment pas comment expliquer cette série, et en gros on va Friends mais avec le côté connard assumé. Ouais voilà, mais pas sans le côté sitcom justement. Et sans le côté j'aime pas dire ça, mais sans le côté bienveillant, tout en n'étant pas genre full connard, full on peut plus rien dire, ouais. C'est vraiment intelligent. C'est tous des cons, mais ils sont drôles et ils ont quand même un fond de... Ils sont pas manichéens, quoi. Ils sont pas full connard, ils sont juste un peu odieux, mais... Ils sont teubés. Voilà, ils sont débiles, ils sont beaufs. Et c'est trop drôle, et en fait on va les suivre à travers de leurs mésaventures. Chaque épisode ils vont se dire, tiens, et si on allait faire une fraude aux assurances, les si apparitions on allait, d'épisodes, des titres d'épisodes sont... oui, c'est génial, l'épisode, alors c'est pas un spoiler parce que voilà, on peut pas vraiment spoiler une série où il y a pas vraiment de fil narratif, mais il y a un épisode où il y a un des personnages, Mac, qui je sais plus ce qu'il a, il apprend que son père il est malade, et puis père. Il dit je vais sauver mon père, et là il y a le titre qui arrive et c'est Mac tue son père, et c'est juste trop drôle, et donc bref, c'est super intelligent, j'adore, c'est trop bien écrit à chaque fois, et le premier épisode de la saison 14, ça parle de rom-com, et en fait t'as les personnages de Mac et Dennis vivent ensemble, et ils décident de mettre une de leurs chambres en Airbnb pour faire en sorte que Dennis rencontre une meuf, et en fait ils essaient de faire tout un plan pour faire un meet cute. Et en fait, comme c'est tellement manipulé et tout, forcément ils vont pas y arriver, ils vont se mettre dans des trucs pas possibles, ça va être trop marrant, ça, il va y avoir des retournements de situation et tout. Et du coup, ça montre un peu le côté des rom-coms qui est un peu en mode le mec qui essaie toujours d'essayer des trucs et de poursuivre la meuf et tout ça. Et d'un autre côté, t'as Charlie et Danny DeVito, du coup Franck, qui vivent ensemble et qui, eux, font pareil, mettent leur appartement en Airbnb juste pour pouvoir payer le loyer. Et en fait, il se trouve qu'eux vont vraiment tomber d'un amour fou pour les gens qui arrivent en Airbnb, alors qu'à la base, en fait, à la base, il voulait que ce soit des meufs pour pouvoir se coucher avec les meufs, quoi, ouais. Pour voir lesquelles. Et en fait, c'est deux mecs un peu slaves, je sais pas quoi, qui débarquent et ils sont en mode oh non et tout. Et du coup, ils les virent et ils se rendent compte une fois qu'ils sont partis que bah en fait, ils les aimaient trop et qu'ils s'entendaient trop bien avec. Et du coup, t'as cette histoire d'amour et de l'autre côté, t'as les autres qui font que de la merde et qui manipulent tout le monde. Et entre les quatre, t'as Dee, donc la sœur de Dennis, qui est entre les deux groupes. À chaque fois, elle se fait un peu balader entre les deux groupes et qui sert un peu de d'outil narratif sans vraiment être un outil narratif. Enfin bref, c'est trop bien, c'est trop drôle. Je vous conseille vraiment cette série. Même si vous avez jamais vu, vous pouvez regarder des épisodes dans le désordre. Franchement, c'est pas dérangeant, à part peut-être à partir de la saison 8-9. Peut-être que c'est plus intéressant de les suivre dans l'ordre, mais sinon la saison 1 vous pouvez la passer, honnêtement elle est pas si drôle que ça. La saison 2 et 3 elles ont un peu vieilli, et après mais c'est juste c'est non, excellent. Il y a quand même, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3 qu'il y a quand même cet épisode absolument génial où Charlie il monte tout un plan parce que Mac a couché avec la mère de Denise. Et qu'il met tout un plan juste pour pouvoir pécho... La mère de Mac ou je sais pas non, quoi. Non, la serveuse de... Ah oui, bah oui, bah la serveuse c'est aussi un autre personnage récurrent, mais oui. Mais la saison 2 et 3, elles sont trop drôles, mais elles ont un peu vieilli. En plus, tu vois encore le format, tu vois qu'ils avaient vraiment pas d'argent et que c'est tout moche, la qualité et tout de l'écran. Enfin bref. It's Always Sunny in Philadelphia, la série la plus drôle du monde. Je ne pourrais jamais vous la recommander assez. Et autre chose, une autre chose qui cette fois n'est ni une série, ni un film, ni de la musique, c'est un podcast qui est passé à la télé quand même, parce qu'ils ont eu un show spécial sur HBO, une captation live d'un de leurs shows live justement, et ça s'appelle My Dad Wrote a Porno, et en fait, donc la saison 5 vient de commencer en septembre, et en fait ça part du principe qu'un gars, Jamie... Une fille, pardon. Un gars, une fille et un autre gars, ils sont trois en fait à présenter le podcast, mais Jamie, une des trois personnes, a découvert un jour que son père avait écrit un porno, un livre érotique nul à chier, et en fait il l'a montré à ses deux meilleurs amis, donc Alice et James, et ils se sont dit, et si on faisait un podcast où on lisait chapitre par chapitre le truc, et tellement c'est nul, et ben en fait ça devient super drôle, et en fait l'histoire du livre s'appelle Belinda Blinked, parce que le personnage principal s'appelle Belinda et elle cligne tout le temps des yeux, et en fait c'est une meuf qui arrive dans une entreprise de casseroles et de poêles et de vaisselle, et en fait son but c'est de devenir genre la number one du business, quoi. Et en fait pour ce faire elle va coucher avec tout le monde, et c'est un truc de cul, enfin forcément c'est un porno, mais c'est écrit tellement mal que c'est hilarant, quoi. Et en bref, c'est dur à expliquer. Par contre, alors comme It's Always Sunny c'est en anglais, donc si vous êtes si vous parlez pas anglais, si vous comprenez pas l'anglais, d'autant plus que dans My Dad Wrote a Porno c'est des British, donc ils ont un accent, il est pas très fort leur accent, mais voilà quoi, ça, je trouve que ça donne un petit charme quand même. Donc si vous comprenez pas l'anglais, ça risque d'être compliqué à écouter comme podcast, mais c'est vraiment trop drôle, et franchement il y a 5 saisons mais ça passe tout seul. C'est des épisodes de maximum 30 minutes parce que c'est des petits chapitres, et c'est trop drôle, et il y a des retournements de situation et des cliffhangers, et franchement honnêtement je me suis retrouvée à être investie dans cette histoire qui devient plus qu'une histoire, que juste un porno. Il y a vraiment des histoires d'amitié, des histoires d'amour, il y a de l'espionnage, il y a des trucs de ouf et tout, et c'est trop drôle. Et si vous avez la flemme de regarder, d'écouter plutôt les 5 saisons, regardez peut-être le live sur HBO, qui est trouvable en streaming illégal très facilement, et c'est juste très très très marrant. Et Victor a pas l'air convaincu du tout, on dirait qu'il va s'endormir sur sa chaise. Non, c'est juste non, parce que j'ai dit que c'était British, du coup il a abandonné. Tout de suite. Donc voilà, c'est tout. Ah si, j'ai regardé The Politician sur Netflix. Pas une recommandation ouf, parce que je suppose que vous voyez les pubs partout, mais en vrai ça m'a beaucoup étonnée, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout je m'attendais pas, il se passe un truc dans le premier épisode auquel je m'y attendais vraiment pas. Je rigole alors que c'est pas et marrant, c'est... Et moi ça m'a pris au trip, un truc de ouf, j'y m'y attendais vraiment pas. Et du coup ça a donné à la série un truc, tout le long de la série ça revient et ça impacte en fait tout le long de la série, et ça, il y a un truc un peu amer, tu vois, et c'est un alors j'aime pas ce mot, mais c'est un peu doux amer du coup. Et il y a ce truc qui fait que je me suis vachement attachée au personnage principal et au un autre personnage que voilà, hein, voilà. On va pas spoiler, mais ouais, j'ai trouvé cette série vachement cool. Il y a quelques trucs qui n'ont aucun sens, rien que le fait on que ce soit des lycéens, ouais. Aucun sens. Déjà, les gars, ils ont l'air d'avoir 35 ans et ils sont tous lycéens, mais bon, voilà, ça va rien dire, c'est une série américaine. Mais vachement, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, j'ai regardé. Ça parle de politique sans faire. Sans faire, sans être manichéen, c'est nuancé. C'est, je dis tout le temps ça, mais c'est vrai, mais là c'est vrai, tu vois. Enfin, sans être dans l'écueil du la gauche contre la droite, sans être dans le progressisme versus le on peut plus rien dire. Ouais, dire parce que justement, sans vraiment critiquer personne, ça parle plus de personnage et d'ambition en fait et d'identité que vraiment de discours politique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai trouvé, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que la série. Justement, dénonce ça, tout ce côté on récupère les causes, les minorités pour bien se faire voir, et c'est ce qui arrive. Et la série le montre bien, et ça fait marrer de voir qu'ils vont chercher toutes les minorités possibles. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un truc du coup, ce n'est pas. Ça se moque du politiquement correct, mais pas dans un sens où faudrait le dénigrer, en fait. Ça se moque du politiquement correct, mais ça se moque aussi des gens qui disent « maintenant, il faut toujours être politiquement correct. » Parce que justement, je trouve que ça, c'est une assez très inclusive. Oui, bah, et c'est clair. Voilà, donc... tous les personnages principaux, attention, lobby LGBT, quoi. Tous, oui, absolument tous les personnages. Et... Ce qui est un peu, enfin, je sais pas, c'est comme dans la vraie vie, quoi, tu vois. Et donc, moi, alors si je devais décrire la série, j'aurais vu ça comme un film de Wes Anderson politique, mais en plus mordant. Mais je dis juste ça parce qu'il y a des belles couleurs. Ouais, il y a Gwyneth Paltrow qui a dit elle a repris son rôle de Margot Tenenbaum, en plus déprimé, en plus shooté. Elle me rendait trop triste. J'adorais son personnage. Celui qui joue son mari, c'est aussi un habitué des films d'Anderson. Dans le poster, qu'il y a derrière toi, on le voit tout à gauche d'ailleurs. Exactement, c'est lui. Et on en parlait tout à l'heure, il y a Ben Platt principal. Et d'ailleurs, il me semble que c'est son premier rôle principal à la télé. Il a fait que des petits rôles. Ou des petits rôles, et sinon il était sur Broadway, tout ça. Et je l'adore, mais je l'aime tellement d'un amour fou, quoi. Il est exceptionnel cet acteur, et son personnage aussi, je l'aime beaucoup. Zoé Dutch. J'adore Zoé Dutch. Je suis trop content quand je vois Zoé Dutch. Qui joue un personnage trop cool aussi. Ouais. Il s'appelle Infinity. Et son personnage est mais super cool aussi. Ouais. Même le personnage de Ricardo qui joue son mec. J'ai trouvé. En fait, j'ai trop aimé. Il y a juste Jessica Lange. Oh, elle est chiante. Son personnage est chiant. Son personnage est chiant. Et puis Jessica Lange, elle fait tout le temps Jessica Lange chez Ryan Murphy. Donc c'est elle chiant. Elle surjoue de ouf, je trouve. Elle surjoue de ouf. Elle fait la mamie. Qui est fait genre elle est sympa au début, mais après elle est. Elle joue, je sais pas si vous vous en souvenez, si tu t'en souviens, j'en avais parlé, je l'avais recommandé dans un rattrapage. Elle joue Patricia Arquette dans The Act. Oui. Elle joue. C'est exactement la même histoire que Gypsy Rose. Ils se sont justifiés d'ailleurs. Oui, ça est totalement inspiré de cette histoire. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans cette série aussi, vous aurez le plaisir à la fin de la série, enfin épisode moitié fin. De retrouver un acteur que vous avez vu dans Malcolm. Alors, je vous laisse regarder la série. On est d'accord, c'est lui. Oui, mais c'est lui, c'est clairement lui. J'en dis pas plus. Allez voir la série si vous voulez savoir c'est qui. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à recommander? Quelque chose qui t'est venu en tête? Quelque chose qui s'est passé ce mois-ci? Non. Non, c'est tout. C'est tout pour le mois de septembre. C'est tout pour le moment. Merci, Victor. Merci à toi, Jade. Toujours d'avoir ouvert la salle. Pour parler de ce mois-ci, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, si des gens utilisent encore Facebook, sur Twitter, @S5P42, évidemment. Il faut le préciser, c'est toujours bien. Vous pouvez nous envoyer des messages, si vous voulez. Nous dire, je sais pas, des trucs qu'on a peut-être oubliés, qui se sont passés ce mois-ci. Nous dire si vous avez des contacts chez Disneyland Paris ou Disneyland Orlando, je sais pas, pour qu'on puisse faire une émission là-bas un jour avec toute la pub que je leur fais pour me remercier. Et on se retrouve ce mois-ci dans une prochaine émission et le mois prochain pour un prochain rattrapage. Au revoir. Au revoir.